Pour faire 3 km un jour où il fait beau, il est préférable d'utiliser un vélo ? Réponse A. Une voiture ? Réponse B.